Lila Sillon, Aliénation. Lue par Sabine pour audiocité.net avec l'aimable autorisation de l'auteur. Le capitaine Bernier tambourinait sans discontinuer à la porte triangulaire. Il était suivi de près par les deux membres de son équipage qui l'encourageaient ardemment à ne pas relâcher ses efforts. Quand soudain Madame Cristal déclencha vélocement l'ouverture de la porte. « Vous languissez après ?» L'œil unique du capitaine Bernier s'écarquilla comme sa soucoupe. « Vous comprenez le martien ?» Les membres de l'équipage n'en revenaient pas, et engoncés dans leur combinaison, semblables à des bonshommes Michelin, ils se dandinaient sur place, ne sachant plus quelle posture adopter. « Thé, puis d'abord je dégoise mes graines comme je veux, » déclama-t-elle. « Un martien exquis de surcroît. Qu'est-ce qui traficote dans le coin, les montgolfières ?»« Vous êtes vénusienne ?» Le visage du capitaine affichait un ravissement certain. « Ce terme doit vous paraître singulier, c'est une expression martienne. » Mais il manquait à tous ses devoirs. Ce premier contact ne devait pas lui faire oublier ses bonnes manières. Il désigna tour à tour ses deux compagnons. « Nous arrivons de Mars, je suis le capitaine Bernier. Nous venons juste d'atterrir sur Vénus. » Il y a eu d'innombrables expéditions, mais pour des raisons obscures, les hommes ne sont plus jamais revenus. Mais laissons cela de côté pour l'instant. Nous voilà. Vous êtes la première vénusienne que nous rencontrons. « Vénusienne ? » dit-elle, les pupilles ambrées et levées vers le ciel verdâtre. « Nous sommes bien sur la deuxième planète à partir du Soleil, correct ? J'ajouterai même « élémentaire, les montgolfières !» répliqua-t-elle en les toisant. Le capitaine roula de l'œil un moment, puis s'adressant à ses hommes. « Nous venons de Mars, n'est-ce pas, les gars ?»« 100% exact, capitaine » entonnèrent-ils en chœur. « Vos semelles de métal foulent le sol de crrr, crrr, au cas où la babiole vous intéresserait. » Le capitaine étouffa un fou rire. « Bellissime comme nom, mais puis-je me permettre une question ?»« Laissez galoper vos mots, » dit-elle. « Par quel prodige parlez-vous aussi bien le martien ?»« Sachez que je ne parle pas. J'imagine, j'élabore, je cogite, bref, je pense. Télépathie. Sur ce, salam alek. » La fermeture de la porte se fit instantanément. L'instant d'après, les trois hommes tambourinèrent de nouveau à la porte. Au bout d'un moment, la porte se rouvrit devant une Madame Cristal, un tantinet agacée. « Quel est le sujet encore ?» Le capitaine Bernier tentait de sourire, mais il semblait baba. Il allongea ses bras et tendit les mains. « Je pense qu'il y a une incompréhension entre nous. »« Il n'y a aucune lacune de mon côté, » dit-elle en le singeant. « Mais nous venons de Mars !» hurla le capitaine. « Repassez donc plus tard, car je n'ai pas une seule aiguille à vous filer. J'ai beaucoup de besognes qui me tombent dessus aujourd'hui. » Et je vous pense même pas du lavage, de la cuisine et des autres bagatelles. Par contre, si vous souhaitez voir ma jumelle, Christole, elle est dans son bureau, en haut du ciel, deuxième nuage. On accède par la nacelle. « Certainement, » dit le capitaine totalement abattu, l'œil tremblotant. « Elle est imbibée de travail. » Cette fois, Madame Cristal le referma la porte au nez. Le capitaine s'énerva, les membres de l'équipage aussi. Et cette fois, ils donnèrent des coups de semelle métallique à la porte. La porte se rouvrit. « Vous avez de drôles de manières d'accueillir les visiteurs. »« Ben voyons, vous allez me souiller mon plancher propre avec vos godasses. De la boue, dites salam alek au dehors. Si vous voulez pénétrer dans mon cocon, allez donc décrasser vos bottes d'abord. » Les hommes n'en revenaient pas. Ils mirent ceci sur le compte d'une mauvaise dépressurisation. Après vérification, leur tympan semblait intact. Ces remontrances sont futiles, nous devrions festoyer au lieu de nous quereller bêtement. Puis le capitaine Bernier se tut, laissant à son interlocutrice le temps d'assimiler cette information. Elle pouvait même lire dans ses pensées si cela pouvait accélérer les choses. Mais contre toute attente, sa réponse le désarçonna. Si mes pépites de pivoine sont tombées dans le chaudron à cause de vous, s'écria-t-elle, je vous éjecte sur Orion. Elle se précipita dans la cuisine et vérifia la cuisson de ses précieuses pépites. Puis elle revint, le visage pourpre. Ses yeux ombrés clignotaient comme les ailes d'un insecte. « Statufiez-vous !» Son timbre de voix était psalmodique. « Je vais voir si je peux déranger ma sœur. Quel est le scoop déjà ?» Une avalanche de jurons fusa de la bouche du capitaine. Calmé par les membres de son équipage, il répliqua, le visage décomposé, l'œil roulant dans son orbite et une poignée de cheveux au creux de ses mains. « Dites-lui simplement que nous venons de Mars et que cela est un événement exceptionnel. » « Exceptionnel !» Elle releva ses longs cheveux bleutés. « Après tout, peu importe, je reviens tout de suite. » Ses pas n'émettaient aucun bruit sur le plancher. Dehors, l'immense ciel rose de Vénus était âpre et aussi immobile que les profondeurs d'une mer chaude. Le désert vénusien abritait la petite soucoupe sur une petite colline. De larges empreintes se dirigeaient de la soucoupe jusqu'à la petite porte triangulaire, cocon de Mesdames Cristal et Cristol. Les nuages avaient beau être hauts dans le ciel, les hommes entendirent les échos de ce qui semblait être une conversation animée. Le capitaine regarda ses hommes, les épaules voûtées. Une voix de femme fulminait. Une autre voix de femme répliquait sur le même ton. Un long moment s'écoula. Dans la pièce où ils attendaient, les hommes effectuaient des va-et-vient en long, en large et en travers. Ils ne savaient plus comment faire pour passer le temps. Finalement, le second demanda au capitaine. « Et si on allait s'en griller un petit ?»« Ma foi, ce n'est pas très raisonnable, mais après tout, fait-on cela ?» Ils sortirent dehors, et le second sortit un paquet contenant des pétards. Ils prirent chacun un petit explosif, ils allumèrent la mèche avant de jeter l'artifice en l'air, ils se mirent à rire comme de jeunes martiens. La demi-heure qui suivit s'écoula beaucoup plus rapidement. Puis ils s'engouffrèrent de nouveau dans le cocon. Le silence y était prodigieux. Plus aucun écho ne filtrait. Le capitaine Bernier inspecta le reste de la pièce et vit Madame Cristal déclencher le nuage automatique au-dessus des fleurs disposées au centre du salon. Quand elle vit la silhouette du visiteur, elle lâcha un « Il me semblait bien avoir égaré une pensée ou deux. » Elle fit volte-face et se dirigea dans sa machinerie gastronomique. L'instant d'après, elle revint et dit « Je suis navrée pour vous, mais mon alter ego a les pensées dans ces nuages. Ma jumelle ne peut pas vous recevoir. » Madame Cristal lui tendit un morceau de verre. « De toute manière, ce n'est pas ma sœur que vous devez voir, c'est Madame A. Allez avec ce mot jusqu'à la tour de pierre, près de la rivière pourpre, et Madame A vous dira tout ce que vous voulez savoir. » « Mais nous ne sommes pas ici pour cela. Nous ne voulons rien savoir. » Les traits de son visage s'étirèrent de manière grotesque. « Nous savons déjà tout. » « Le mot devrait vous suffire, parce que nous ne vous donnerons rien de plus, » dit-elle en ajoutant quelques éclairs dans son chaudron. « Bien, bien, puisque vous le prenez comme ça. » Il resta un moment immobile. Leur venue était pourtant extraordinaire. Mais lorsqu'il vit Madame Cristal se détourner de lui et vaquer à ses occupations comme si de rien n'était, sa virilité en prit un sacré coup. Alors, il se tourna vers ses hommes et leur dit « On y va, les gars !» C'est ainsi que l'équipage quitta Madame Cristal et Madame Cristol, accompagnés par une chaleur de plomb. Pendant ce temps-là, Madame Haa savourait un délicieux massage tout en sirotant quelques gorgées de glace électrique dans une coupelle de terre cuite. Soudain, elle entendit des voix. Elle se redressa en pestant contre sa servante et se pencha à la lucarne. Trois silhouettes pénétrèrent dans la cour. « Madame Ha-ha-ha, je suppose, » dit le capitaine en nage. « Ma foi, c'est bien mon code. Nous venons de la part de Madame Cristal. »« T'es, v'là une pensée farfelue. » Elle s'évapora comme une poussière d'astrée. Pendant un long moment, des voix coléreuses s'élevèrent par le biais d'un appareil cubique. Le capitaine avait les yeux rivés sur la lucarne. Le décor le désolait, car il pouvait y voir sa soucoupe si belle, si étincelante. Madame Ha-ha-ha réapparut, un air triomphant sur ses lèvres bleutées. « Je vais l'affronter en joute mentale, en joute mentale !» Le capitaine expliqua, avec tout ce qui lui restait de bon sens, leur périple. « Je vais l'écraser, vous m'entendez ? L'écraser !» Madame Ha-ha-ha, je me permets de vous interrompre. Nous avons parcouru 108 millions de kilomètres. » Madame Hahaha le regarda pour la première fois. « Vous débarquez d'où déjà ?» Le capitaine afficha un large sourire. Il se retourna vers ses hommes et chuchota. « C'est pas trop tôt. » Puis il s'adressa de nouveau à la Vénusienne. « Nous avons fait un voyage de 108 millions de kilomètres depuis mars. » Madame Hahaha, excédée, rétorqua. « À cette époque de l'année, cela ne représente que 999 millions de kilomètres. » Soudain, elle se massa le cou. « Salam alek, je dois retourner à mes occupations et emporter votre note farfelue avec vous. Traversez la colline de sable et, dans la petite métropole de Psy, demandez Madame Trick. C'est la femme qu'il vous faut. Pas Madame Cristal, elle n'a plus toutes ses pensées depuis que des astéroïdes lui sont tombés sur le crâne. Maintenant, c'est une sombre idiote. Et je vais l'écraser. En ce qui me concerne, votre cas ne relève pas de mes aptitudes. Aptitude, aptitude ! Rouspéta le capitaine. Quelles sont les aptitudes requises pour accueillir des visiteurs de Mars ? J'aimerais bien le savoir à la fin. Ne faites pas le bêta, tout le monde sait cela. Madame Hahaha se volatilisa en lâchant un dernier salam alek. Les trois hommes restèrent pétrifiés par cette révélation. En fin de compte, le capitaine déclara « Courage, compagnon, nous finirons bien par tomber sur une Vénusienne qui voudra bien nous écouter. » Son second prit la parole. « Nous devrions peut-être repartir, le temps de les laisser se faire à l'idée de notre présence pour préparer une réception en notre honneur. » « Hors de question, on est là, on y reste. » La métropole grouillait de monde. La foule circulait, zigzaguait joyeusement. Les Vénusiennes se paraient de leurs plus beaux atours. Coiffes étincelantes au-dessus de leurs longs cheveux blonds, bracelets cerclant amoureusement leur jolie peau bleutée, des masques recouvraient leur visage d'un ovale parfait. Les trois hommes transpiraient abondamment dans leur combinaison. La langue haletante, ils étaient en nage. La marche avait été longue jusqu'à Psy. Le capitaine demanda à une petite fille le chemin de la maison de Madame Trick. Celle-ci lui indiqua de son index, sans lâcher la sucette nébuleuse qu'elle savourait du bout des lèvres. Le capitaine mit un genou à terre et dit à la petite fille « Nous sommes des habitants de Mars. »« Oui. »« Tu me crois lorsque je te dis cela. » Elle hocha la tête. « Notre soucoupe se trouve sur la colline de sable, sur une petite montagne. » Nous l'avons construit nous-mêmes. Tu me crois toujours? Oui. Et pourrais-tu deux secondes lâcher cette sucette? Je suis le capitaine Bernier. Et c'est la première fois que des Martiens atterrissent sur Vénus. Merveilleux, mais comment le sais-tu? Élémentaire, les montgolfières. Télépathie. Et tu n'es pas surprise? Vous feriez mieux d'aller voir Madame Trick. Je suis certaine qu'elle sera ravie de vous rencontrer. » Puis elle fila, guidée par l'odeur des toiles d'araignée tout juste sorties du chaudron. Le capitaine et ses hommes continuèrent leur marche, abasourdis par autant de dédain à leur égard. Mais quand ils arrivèrent chez Madame Trick, elle leur ouvrit la porte triangulaire en affichant un large sourire. « Nous ne désirons, mes compagnons et moi-même, qu'un peu d'attention, » articula-t-il péniblement. Le manque de repos commençait à se faire ressentir. De plus, ils avaient la désagréable impression que leurs bottes étaient une partie intégrante de leur anatomie, tellement ils avaient sué dedans. Madame Trick était incontestablement une magnifique Vénusienne, lumineuse et sereine. « Soit. Malheureusement, je n'ai pas de protocole ici. Du moins, je ne pense pas. » Elle farfouilla un peu dans les tiroirs. « Crénom de nom, où sont-ils ? » « Ah, les voilà !» Avec élégance, elle tendit au capitaine les formulaires. « Signez ici et ici. »« Nous sommes vraiment obligés d'en passer par là. Nous avons effectué un long voyage et... » reprit le capitaine qui sentait déjà le vent tourner en leur défaveur. Madame Trick semblait outrée. Sa bouche se mit à former un puissant gouffre. « Vous me racontez que vous venez de Mars, n'est-ce pas ? Alors, signez !» Le capitaine s'exécuta avec ardeur. Mes hommes doivent se prêter à cette mascarade aussi. Vos hommes, signez, voilà qui est fabuleux. Ses yeux s'embuèrent de larmes, tant l'hilarité qui la submergea était grande. Son masque d'élégance s'évapora et elle se roula par terre. Les hommes impuissants assistèrent à son impitoyable fou rire. Quand elle se releva, elle vérifia les protocoles. « Cela me semble parfait. Prenez cette solution. »« Une clé ? Merci beaucoup, » dit-il ému. « Arrêtez de faire le troll. Ce n'est pas la clé de la métropole, voyons. Juste la clé de la maison. Longez le couloir. Ouvrez la grande porte triangulaire au fond. Entrez et surtout refermez derrière vous. Vous pourrez vous reposer un peu. Demain, je vous confierai à Madame Ia. » Le capitaine n'en revenait pas. Enfin un peu de considération. Ils avaient bien besoin de repos, mais ils étaient tellement éreintés qu'ils n'arrivaient même plus à faire le moindre mouvement. « Vous attendez quoi ? Allez, et salam alek ! » Ils arpentèrent le long couloir avec difficulté, dans la lumière de l'après-midi, chaude et bruyante, le nez collé à la porte triangulaire métallique. Ils pénétrèrent dans la pièce, et suivant les recommandations de Madame Trick, le capitaine referma derrière le troisième homme. La salle était vaste, mais il n'était pas seul. Des groupuscules de femmes se baladaient, certaines étaient assises, d'autres debout. Deux femmes se tenaient à proximité des nouveaux arrivants. Elles étaient vêtues étrangement. L'une d'entre elles s'approcha d'eux. « Je suis Madame Fée, » dit-elle. « Et moi, le capitaine Bernier de Hâton sur Mars, » répliqua-t-il d'une voix fatiguée. Ce fut un tollé d'applaudissements dans la salle. « Félicitations !» crièrent les Vénusiennes en chœur. Elles se mirent à faire des rondes en chantant et en bondissant. « C'est pas trop tôt !» cria le capitaine, dont les forces lui revenaient tout à coup. « Hurrah ! Merci, merci, ça fait du bien quand même !» Ils s'installèrent à une table comestible. Le capitaine allait en entamer un morceau lorsqu'une Vénusienne s'approcha de lui en prenant ses aises et demanda « Je suis ravie, » dit-elle. « Merci, » répliqua-t-il en fourrant un deuxième morceau dans sa bouche. « Ravi de rencontrer un autre habitant de Mars. » Le capitaine et ses hommes faillirent s'étouffer. « Pardon ? Je ne suis pas la seule à venir de Mars. Nous sommes nombreuses. » L'œil unique du capitaine faillit sortir de son orbite. Il tressaillit. « Vous, de Mars, comment est-ce possible ? Vous venez de quelle région ?»« De Plume. J'y vais de temps en temps en esprit en laissant mon corps ici. » « Plume, Plume. Cette région ne me dit rien. Et c'est quoi cette fantaisie ? Vous faites quoi avec votre corps, au juste ?»« Madame Wa vient de là-bas aussi, ainsi que Madame Ria. » « Faux ! Je viens de Saturne !» répliqua la Vénusienne vexée. Le second fit signe à son supérieur d'avancer. Ce dernier pencha la tête. « Capitaine, je crains que ce ne soit pas une réception. » Le capitaine scruta la Vénusienne en face de lui. Elle ne pouvait pas venir de Mars. Les femmes étaient des spécimens inconnus sur leur planète. Mais, alors, comme si son second était doté lui aussi de télépathie, il termina la pensée du capitaine qui avait du mal à sortir. « Hélas, capitaine, je crains que nous soyons internés dans un asile pour aliens. »« Un asile pour aliens ?» répéta le capitaine dans un souffle. « Oui, et nous ne sommes pas prêts d'en sortir, » dit-il en regardant la porte scellée où se tenaient les deux gardiennes. Le capitaine en arriva à une conclusion fort simple. Ce n'était pas un martien obtus, mais tenter de communiquer avec les femmes vénusiennes se révélait être une mission trop impossible.